C'est fou! 89. Cette semaine, au Mathieu Planchon. Dans Terre-Vigine, Netflix ajoutera plus d'avertissements à sa série 13 raisons. Dans Merci Science, une larve qui dévore les plastiques les plus résistants. Dans CNX, utiliser les objets connectés pour détecter quand une dispute va éclater. Et Frédéric Simon nous fera planer avec Ukulele et sa liste de bons et mauvais remakes de jeux vidéo. Le Mathieu Planchon commence tout de suite. Hein? Voici celui qui mérite un avertissement parce qu'il parle trop vite, Mathieu Plante. Bonjour et bienvenue au Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. Je m'appelle Mathieu Plante. Aujourd'hui, dans l'émission de la semaine du 1er mai 2017, comme toujours, la chronique télévisuelle Television, la chronique de sciences, technologie et médecine, merci science, et le segment Geek CNX. Par contre, dans quelques minutes, on va faire tout ce qui bouge, la chronique sur les choses en mouvement, que ce soit les drones, les voitures, les vélos. Plus tard, après ça, en deuxième demi-heure, dans un autre ordre que celui que je viens de mentionner, parce que c'est confus quand je l'ai dit dans cet ordre-là, c'est Frédéric Simon qui s'en vient avec sa chronique d'un autre gamer à un autre, c'est le même que je l'appelle, mais c'est pas vraiment son nom. On n'a pas encore trouvé de titre officiel. Étant donné que celle de Samuel s'appelle d'un gamer à un autre, puis c'est un autre gamer à un autre. Tu fais juste imiter Sam. Eh oui. Ben non, c'est pas vrai. De quoi tu nous parles aujourd'hui? Je vais parler de Ukulele, là, qui est sorti récemment, et je vais vous donner ma liste personnelle de bons et de mauvais remakes. Oh, de remakes de jeux vidéo en oui. D'autres jeux vidéo. Oui, parfois c'est simplement une remasterisation, des fois c'est essayer d'aller ailleurs, puis ça marche plus ou moins. Ah ben voilà, un petit avant-goût de ce qui s'en vient dans une demi-heure environ, dans la chronique de Frédéric Simon. Mais avant ça, par contre, une petite chanson chiptune. Tantôt, je vais vous dire qu'on avait commencé avec une pièce qui rendait hommage au 25e anniversaire de la Game Boy. Il y a quelques temps de ça, c'était en 2014 environ, donc le 25e anniversaire. C'est une petite pièce qui rendait hommage à ça en 3 minutes. Là, ce qu'on s'en entend, c'est une pièce qui nous provient de l'album The Mutual Promise par Chibitech. La pièce Neuromageddon, sa fesse en montadine. Je te la dédie, vu que ton émission Matière Noire a tendance à fesser aussi, si on veut. Donc voici Chibitech, Neuromageddon, MPS, le Mathieu Plante Show. We'll be right back. C'est Chubitech avec The Mutual Promise, ça c'est l'album, et la pièce Euromageddon. Il y a des bons bouts là-dedans, mais le milieu est redondant pour mon goût, ça. Mais bon. Donc, Chubitech. Allez voir ça sur assemblagerequis.com. Maintenant, c'est le segment Geek CNX version Tout ce qui bouge. Tout ce qui bouge, c'est la chronique dans laquelle on parle de tout ce qui est en mouvement, que ce soit vos pieds, les vélos, les skates, peu importe. Commençons justement par vos pieds et les sports que vous pratiquez avec, peut-être. Donc, on parle d'une pilule pour remplacer le sport. Une molécule mimant les effets du sport sans avoir besoin de faire d'efforts a été testée sur la souris. L'endurance de l'animal s'est améliorée de 70%. Ce composé représente un espoir pour ceux qui souffrent de maladies cardiaques, pulmonaires ou autres et ne peuvent avoir une activité physique suffisante. On parlera pas bien sûr des paresseux. De nouvelles études vantent les mérites du sport pour la santé, notamment ceux de la course à pied. Pourtant, beaucoup de personnes, en raison de leur âge avancé, de problèmes de santé ou de poids, rencontrent des difficultés à pratiquer un sport. Alors pourquoi pas un médicament qui procurerait tous les bienfaits du sport sans avoir besoin de courir ou de pédaler pendant des heures? C'est ce que propose une étude de Salk Institute parue dans Cell Metabolism. Précédemment, les chercheurs avaient identifié une voie moléculaire activée par la course à pied, ce qu'on appelle la voie PPARD, et une molécule, la GW1516. Oui, je connais bien ça. La GW? Ben oui. Hein? Capable d'activer cette voie par chez les souris sédentaires. Des souris chez lesquelles le gène PPARD était constamment activé, couraient donc de longues distances, ne grossissaient pas et répondaient très bien à l'insuline. Toutefois, lors de ses premières expériences, GW ne modifiait pas l'endurance de souris normales. Dans cette nouvelle étude, l'équipe a donné à des souris normales sédentaires des doses plus élevées de GW sur une plus longue période de 8 semaines au lieu de 4. Des tests ont été effectués sur des tapis d'entraînement. Résultat, les souris qui ne prenaient pas la molécule GW couraient environ 160 minutes avant d'être épuisées. Celles qui avaient pris du GW couraient environ 270 minutes, soit 70% plus longtemps. Pour savoir ce qui se passait au niveau moléculaire, l'équipe a analysé l'expression des gènes dans un muscle de la souris. Ils ont trouvé 975 gènes dont l'expression changeait en réponse à GW. Les gènes dont l'expression augmentait étaient par exemple des gènes impliqués dans l'utilisation des graisses, mais aussi des gènes antioxydants. Parmi les gènes dont l'expression diminuait, certains permettaient l'utilisation des glucides comme carburant énergétique. Ceci signifie que la voie PPARD empêche l'utilisation des glucides comme source d'énergie du muscle pendant l'exercice, probablement pour garder des glucides pour le cerveau. Et lors d'un effort intense, la voie PPARD favorise la redirection du glucose vers le cerveau. De plus, les muscles des souris qui ont pris GW ne présentaient pas les changements physiologiques typiques d'un entraînement aérobie, comme une augmentation du nombre de mitochondries, ça c'est les usines énergétiques des cellules, ainsi que des vaisseaux. Par conséquent, GW active PPARD et augmente le temps de course des animaux sans fabriquer de nouvelles mitochondries, donc l'amélioration de l'endurance semble purement métabolique. Le principal auteur de l'étude nous dit que l'exercice active PPARD, mais nous montrons que vous pouvez faire la même chose sans entraînement mécanique, ce qui signifie que vous pouvez améliorer l'endurance jusqu'à ce qu'elle atteigne un niveau équivalent à celui d'une personne qui s'entraîne sans tous les efforts physiques. C'est bien pour ceux qui ont des problèmes, mais pour ceux qui peuvent le faire, allez faire du sport. C'est ça, ça ressemble un petit peu à des articles miracles qu'on voit sur des sites internet avec des adresses douteuses qui disent prenez telle pilule, puis ouais. La solution. La solution miracle. Quand c'est trop beau pour être vrai, comme on dit. On reste sur nos pieds parce qu'Adidas sort une nouvelle collection de souliers en plastique recyclé des océans. Depuis 30 ou 40 ans, les scientifiques et les défenseurs de l'océan alertent sur le déversement des déchets plastiques dans les eaux du monde. Aujourd'hui, un septième continent de plastique se balade dans les eaux du Pacifique, étouffant les organismes vivants. Si le nettoyage de l'océan est une entreprise ambitieuse et pour laquelle nous n'avons pas encore les moyens à grande échelle, Adidas semble vouloir jouer sa part dans le combat pour l'environnement. Aussi un coup de marketing, évidemment, pour faire parler d'eux. Donc, en novembre 2016, les premières chaussures partiellement fabriquées de plastique recyclé des océans sortaient. Et aujourd'hui, Adidas sort une nouvelle paire sur ce principe, les Ultra Boost. Je cite, « En utilisant les déchets plastiques marins, Adidas transforme une menace en fil conducteur de sa production qui devient une vraie marque de fabrique pour ses chaussures iconiques. C'est la dernière étape d'un partenariat qui reflète les engagements des deux parties avec l'ONG Parley Ocean. On utilise du plastique recyclé, on récolte des déchets plastiques dans les océans et on dessine de nouvelles alternatives. Adidas compte que pour chaque paire de chaussures, ce seront environ 11 bouteilles plastiques qui seront utilisées chaque fois. Les souliers auront ainsi des lacets, des tissus du talon, le revêtement du talon et la semelle intérieure fabriquée avec des matériaux plastiques recyclés. recyclés. La chaussure ne sera donc pas fabriquée à 100% avec des matériaux plastiques recyclés, surtout réservés pour les zones en matériaux tissés de la chaussure, donc à 95%. Pour le reste de la chaussure, Adidas a essayé d'utiliser des matériaux plastiques recyclables. Reste à voir où atterriront ces chaussures en fin de vie, car le plastique ne se recycle pas éternellement. Il met 1000 ans à se dégrader et la chaussure reste faite de plastique majoritairement. Donc, vaste question, mais pour ceux qui seraient intéressés et qui souhaiteraient soutenir l'effort de la marque et son engagement dans cette question environnementale, les chaussures seront disponibles à partir du 10 mai dans une semaine. C'est bon pour ceux qui ont le pied marin. Le pied marin, oui. Ensuite, on va à vélo avec des roues sans pneus. Waouh, qui n'a pas dans ses souvenirs une crevaison monumentale sur la route? Ça arrive à tout le monde. Mais une compagnie basée à Tokyo a réussi à mettre en place un système de roues sans air. Adieu donc, adieu patch sur vos pneus. Hein? Pour compenser le fait qu'il n'y ait pas d'air dans ces roues, le vélo est conçu spécialement. Le cadre soutient le poids du cycliste avec un système de rayons particulièrement au niveau des roues. Le vélo fabriqué à partir de matières recyclables, l'entreprise japonaise travaille sur le concept un peu futuriste depuis 2011. Aujourd'hui, on est en mesure de présenter un système fiable, nous dit-on. La structure particulière des rayons leur permet d'absorber les chocs tout autant que de se maintenir correctement sur la route. Le système permet aussi de consommer moins d'énergie. Alors pourquoi ne pas imaginer un tel système de roues adapté sur les cyclomoteurs, peut-être les scooters, les motos un jour, en gardant la fiabilité des pneus classiques et pour consommer moins tout en étant fabriqué dans des matériaux recyclables. Ce qui est loin d'être le cas pour les pneus classiques, bien sûr. C'est drôle d'apparence, par contre, on dirait que t'as des réglisses sur tes pneus. C'est des drôles de fentes. Je sais pas, non, on dirait des bonbons blancs et rouges, là, tu sais, qu'on, que les vitres transparents avaient, ça ressemble à ça. Allez voir la photo sur assemblagerequis.com. Ensuite, on va en train. Le nouveau train couchette au Japon. Ouais. Si vous avez déjà pris le train Shinkansen au Japon, tout le monde a déjà pris le train Shinkansen au Japon. bien sûr. Donc, le train flambant neuf qu'on doit à la compagnie ferroviaire East Japan Railway qui a été mise en service récemment et qui peut accueillir 34 passagers maximum, composé de 17 compartiments répartis selon le service proposé. La voiture de tête et la dernière voiture ont été imaginées comme des salons accessibles à tous avec une construction quasi intégralement en grande baie vitrée pour pouvoir profiter des paysages magnifiques traversés. Le train relie Tokyo à l'île du Nord, Hokkaido, en 3 jours et 4 nuits, soit le temps de profiter confortablement du luxueux train. Les réservations, oui, sont complètes jusqu'en mars 2018. Il va falloir débourser au-dessus de 15 000 euros pour avoir le privilège de voyager dans le Shikishima, qui est son nom. Sans compter les billets d'avion pour se rendre là-bas, bien sûr. Parfaitement inaccessible pour la plupart, mais quand même, allez voir les photos sur assemblagerequis.com. Elon Musk a dévoilé son projet de tunnel pour éviter les embouteillages. Afin de lutter contre la congestion automobile dans les grandes villes, Elon Musk veut creuser un réseau de tunnels pour y transporter les voitures sur des plateaux électriques glissant à 200 km/h. Pour parvenir à ses fins, le patron de Tesla et de SpaceX a une idée assez précise de la méthode à adopter. Elon Musk, donc, après la voiture électrique et autonome, l'Hyperloop et le voyage habité vers Mars, l'entrepreneur aux multiples talents a décidé de s'attaquer aux embouteillages dans les grandes villes. Tout a commencé en décembre dernier lorsqu'il a envoyé un message via Twitter alors qu'il était bloqué dans le trafic sur une route de Los Angeles. Irrité par cette situation, il disait vouloir construire un tunnelier pour percer un tunnel. Ce qui semble être une boutade s'est en effet transformé en véritable projet avec la création d'une société nommée The Boring Company. Boring comme percé et non pas comme s'ennuyer, mais c'est un genre de jeu de mots. Sa mission est de développer des réseaux de tunnels dans le sous-sol des grandes métropoles. Et comme pour prouver le sérieux de sa démarche, Elon Musk a participé il y a quelques semaines, oui, à une conférence TED à Vancouver, durant laquelle il a livré quelques détails sur ce projet, ainsi qu'une vidéo illustrant le concept. On y voit des Tesla venir se garer sur des places de stationnement qui sont en réalité des plateaux ascenseurs. Ceux-ci vont les descendre jusqu'à un tunnel à partir duquel elles sont transportées en glissant à 200 km/h. On ignore encore quel mode de propulsion utiliseront ces plateaux qui semblent évoluer sur un rail central. Pourquoi cette option souterraine alors qu'on parle désormais de voitures volantes et de drones taxis pour décongestionner les centres urbains? Eh bien, Musk met en avant le bruit, les perturbations aérodynamiques générées par les hélices et plus généralement l'aspect anxiogène d'avoir des engins volants tous azimuts au-dessus de soi. Comme à son habitude, le patron de Tesla et SpaceX semble stimulé, oui, par les défis technologiques qui laissent perplexes bien des gens. Il y a plein d'autres détails d'ailleurs sur les coûts de tout ça sur le site de l'émission. Là, c'est vrai qu'on va dans les airs. On vient de mentionner un petit peu les airs. La moto volante, financée par le patron de Google. La jeune entreprise Kitty Hawk, soutenue financièrement par Larry Page, cofondateur et PDG de Google, vient de lever le voile sur un prototype d'avion électrique ultra-léger pour voler au-dessus de l'eau. L'engin ne nécessite pas de permis de pilotage aux États-Unis et se maîtrise en quelques minutes. Évidemment, c'est pour les riches. Le site Bloomberg Businessweek, en juin dernier, révélait l'existence de Z-Aero et de sa filiale Kitty Hawk, deux entreprises fondées respectivement en 2010 et 2015 et financées en toute discrétion par Larry Page, qui est évidemment le cofondateur et le PDG actuellement de Google. On apprenait que ces jeunes pousses travaillaient sur plusieurs concepts d'avions électriques à décollage et atterrissage verticaux, rapidement qualifiés de voitures volantes. Je me rappelle qu'on a parlé de ça avec toi il y a deux semaines environ, Frédéric. Selon la presse américaine, donc, l'investissement secret de Larry Page dans ces deux sociétés s'élèverait à 100 millions de dollars. À une affaire plutôt sérieuse. Il faut donc dire que, comme d'autres, le richissime patron ambitionne de révolutionner le monde des transports avec des engins capables de combiner le meilleur de l'automobile et de l'aviation légère. Il existerait une bonne douzaine de modèles enregistrés par Z-Aero et Kitty Hawk Corporation auprès de la Federal Aviation Administration, notamment des planeurs électriques, des gyravions et des avions plus classiques. Toutefois, contre toute attente, le premier projet concret présenté officiellement s'apparente plutôt à un jouet pour millionnaires à l'utilité peu évidente, nous dit-on. Kitty Hawk qui a donc dévoilé un projet baptisé Kitty Hawk Flyer. Vous pouvez l'avoir en vidéo sur assemblagerequis.com. On décrit ça techniquement comme un avion électrique ultra léger et métaphoriquement comme une moto volante. En effet, l'engin se chevauche à la manière d'un deux roues avec une position de pilotage penchée vers l'avant. Monté sur deux larges flotteurs appelant ceux d'un hydravion, il s'élève dans les airs grâce à 8 rotors électriques répartis sur un châssis tubulaire en étoile recouvert d'un filet de protection. Le Kitty Hawk Flyer ressemble en fait à un drone géant qui se pilote avec un guidon et des boutons. C'est gros. C'est le fun. Parlons de Google, Sergey Brin qui construirait un Zeppelin dans un hangar de la NASA. Les milliardaires de la Silicon Valley ont décidé de quitter la terre ferme pour partir dans les airs ou dans l'espace, on en parle sans cesse. Donc Bloomberg se pose la question, est-ce un simple hobby ou est-ce un projet qui pourrait avoir des fins commerciales? Selon Bloomberg, qui dévoile ce projet secret de Sergey Brin le 26 avril dernier, le cofondateur de Google aurait pris ses quartiers dans un hangar appartenant à la NASA. Plus précisément, il s'agirait du hangar 2 du centre de recherche Ames de l'agence spatiale américaine. Interrogé par l'agence de presse américaine, Sergey Brin a tout simplement répondu qu'il n'avait pas de commentaire à faire à ce sujet. Donc le mystère reste entier. L'aéronef, oui, que serait en train de construire Sergey Brin ressemblerait beaucoup à un Zeppelin, des Zeppelins qui avaient été largement utilisés pour l'aviation civile et commerciale au début du 20e siècle. Mais l'accident dramatique du LZ-129 Hindenburg, le plus grand dirigeable jamais construit, qui a explosé le 6 mai 1937, avait fait 35 morts et ça avait marqué la fin de ces géants des airs. C'est sûr que si on y retourne, il pourrait y avoir d'autres événements comme ceux-là. C'était pas nécessairement une bonne nouvelle! toujours chez Google qui installe de vrais clients dans ses voitures autonomes. Le groupe américain Alphabet, évidemment la maison mère de Google, a donné un nouveau coup d'accélérateur à son programme de voitures sans chauffeur en annonçant qu'il avait commencé à tester ses véhicules avec de vrais passagers. Des tests ont déjà été menés discrètement au cours du mois écoulé avec quelques passagers à Phoenix et à Phoenix en Arizona, mais Waymo veut désormais les ouvrir plus largement à d'autres résidents de la région. Durant la durée de l'essai, ils vont accepter des centaines de personnes avec des profils et des besoins de transport variés qui souhaitent faire des trajets et donner leur impression sur les voitures sans chauffeur de la compagnie Waymo. Plutôt que de proposer aux gens un trajet ou deux, l'objectif de ce programme est de donner aux participants l'accès à leur flotte tous les jours, à n'importe quelle heure, pour aller n'importe où dans une zone grande comme environ deux fois San Francisco. Mais Waymo espère ainsi apprendre où les gens veulent aller dans une voiture sans chauffeur, comment ils communiquent avec ces véhicules et quelles informations et commandes ils veulent avoir à l'intérieur. Même si à terme l'objectif est d'avoir des voitures totalement autonomes, pour ces premiers tests, un ingénieur de Waymo restera présent dans le siège du conducteur pour superviser en permanence le bon déroulement des trajets, trajets qui seront gratuits pour les passagers. Waymo dit pour l'instant accepter un nombre limité de passagers mais vouloir étendre son programme au fil de l'année. La société va parallèlement élargir sa flotte de véhicules de test avec une grosse commande de 500 monospaces Pacifica supplémentaire auprès du constructeur automobile Fiat Chrysler. La plupart des constructeurs automobiles, mais aussi de nombreux groupes de secteurs technologiques travaillent actuellement sur les véhicules autonomes. Google avait toutefois été l'un des pionniers et Waymo dit aujourd'hui avoir parcouru près de 4,8 millions de kilomètres sur les routes américaines avec sa flotte. Celle-ci est constituée essentiellement de berlines Lexus de Toyota sur lesquelles Waymo a installé ses équipements ainsi que de monospace Chrysler Pacifica spécialement adapté aux besoins de l'entreprise technologique suite à un accord conclu l'an dernier avec Alphabet et FCA. Ensuite, Uber se lance dans les taxis volants. Tout le monde en parle ces temps-ci, ces taxis volants-là. Ça fait quelque temps que Uber avait dévoilé son projet de véhicule VTOL pour le décollage et atterrissage verticaux, encore quelque chose qu'on avait mentionné à l'émission. L'entreprise travaillait à concevoir des taxis volants et lors de la conférence Elevate qui a eu lieu à Dallas, au Texas, Uber a confirmé son intention de faire une démonstration de son Elevate Network dès 2020. Uber imagine un futur où des taxis volants autonomes décolleront et atterriront pour transporter leurs passagers dans de grandes villes comme New York et Londres. Il va sans dire qu'il faudra du temps, énormément de temps, oui, avant qu'un tel réseau de transport ne soit opérationnel pour le grand public. Et il y a encore de nombreux défis technologiques à résoudre, sans parler de barrières légales. Toujours est-il que Uber entend bien être pionnière dans le segment. L'entreprise travaille à nouer des partenariats avec des sociétés locales pour trouver des zones où pourrait atterrir et décoller ses véhicules. Uber se rapproche aussi de fabricants de ce genre d'engins comme Bell Helicopter et Embraer. Les villes de Dallas-Fort Worth et Dubaï se sont déjà montrées intéressées pour accueillir un premier test du Elevate Network. Une première démonstration devrait être faite lors de l'exposition mondiale 2020 de Dubaï. Voilà, ça va être tout pour ce bloc de tout ce qui bouge. Dans quelques instants, avec Frédéric Simon, on va parler de ukulele et de jeux vidéo, de remakes en fait, qui sont bons ou mauvais, ou les deux, ou partagés. Les deux, ça arrive. Un peu comme peut-être ton avis sur ukulele, on va savoir dans quelques instants. Restez là. Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. Je m'appelle toujours Mathieu Plante et toujours accompagné de Frédéric Simon. Salut Frédéric Simon. Ben bonjour Mathieu. Ça va toujours? Ça va toujours très bien, ah, toi? C'est le fun de t'avoir. Oui, ça va très bien. Il fait chaud. C'est l'été qui commence. Oui. Ben, il est temps. Il est temps, hein? Bon. Et on parle de jeux vidéo encore avec toi, comme on le fait à chaque deux semaines. Et tantôt, on va aborder le sujet des remakes de jeux. Mais avant ça, tu voulais parler un petit peu de ukulele. Oui, ukulele. On l'attendait, ce jeu-là. Une espèce de Banjo-Tooie, Banjo-Kazooie, Donkey Kong 64, parce que c'est évidemment la même gang de Rare qui ont produit ça. Et c'est comme un retour en arrière au côté nostalgique. Oui, peut-être un peu trop nostalgique. Oh, indice sur ton avis personnel de ce jeu. Ben, c'est un peu ce qui fait sa force et sa faiblesse en même temps, c'est que on retrouve les mêmes éléments. En fait, cette fois, c'est Yuka qui joue le rôle un peu de Banjo, c'est le caméléon. Kazooie, c'est maintenant la chauve-souris qui est Lily. T'as John Jars qui était le gars qui donnait tes moves dans Banjo-Tooie. Mais là, c'est Trouser, le serpent, qui fait ce rôle-là. C'est des imitations. C'est des si imitations. On veut. Puis en fait, la recette fonctionne très bien, je dois le dire. On retrouve les mêmes bons éléments que dans les 3D platformers qu'on avait au 64, dans ce genre-là. Cependant, peut-être un petit manque d'originalité parce que ça devient redondant. Ouais, mais c'est ça, c'est ce que les gens voulaient. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont donné autant d'argent sur Kickstarter. C'est peut-être pour avoir un jeu qui était dans la même lignée que ce qu'ils aimaient déjà. Oui, malheureusement, c'est que le défi n'est pas au rendez-vous. Le jeu est assez facile. Est-ce que tu penses qu'ils ont voulu faire un jeu qui allait attirer deux publics, c'est-à-dire les nostalgiques et aussi les gens en magasin? Parce qu'on a vu les pancartes chez Walmart, peu importe. On veut que les enfants veulent jouer à ce jeu-là. Ils veulent avoir leur toutou, puis je sais pas trop quoi, dans le futur. Très probablement, en fait, c'est une bonne piste qui donne, en fait, c'est un bon indice sur le jeu. La courbe d'apprentissage se fait très bien, par contre. On apprend tous les moves, toutes les habiletés au fur et à mesure. On commence tranquillement pas vite, oui. Et on n'a pas besoin de vous l'expliquer à outrance, juste à l'essayer, en fait. Non, puis c'est très facile d'approche. Mais effectivement, c'est ça, la difficulté n'est pas au rendez-vous. Les défis reviennent, puis on les passe sans trop. Il n'y a pas de retour de récompense après les boss, donc on les passe une fois et après ça, on tourne la page. Tourner la page, d'ailleurs, on ramasse des pages, des pages de livres dans ce jeu. À la place des notes de musique ou des trucs comme ça dans d'autres. Il y a quand même beaucoup d'items à récolter. Ces jeux-là, c'était des collector's items qu'on appelle. Oui. C'était des jeux qu'il fallait refaire les mêmes tableaux, les mêmes endroits plusieurs fois pour réussir à attraper les 152 affaires. Et voilà. Est-ce que t'as fini ça? Non, sûrement pas. Non, j'ai pas fini. Peut-être parce que je me suis un peu tanné, puis peut-être parce que j'étais en fin de session. Ouais. Mais j'ai des amis, par contre, qui l'ont terminé. Et c'est les commentaires qui me revenaient en premier. C'est « Ouais, on se tanne un peu à la fin. » C'est ça. C'était comme ça dans le temps aussi. Là. C'est un des désavantages, moi, je trouve. Je sais qu'il y en a qui aiment ça, mais moi, ramasser des affaires juste pour les ramasser, je trouve ça plate. Oui. T'sais, finir un jeu avec 100%, pour moi, ça veut dire trouver les bonus qui sont cachés dans les trous, dans le ciel. C'est pas ramasser un paquet de bananes ou une bonne musique, on s'en fout, là, tu sais. Mais non, il y a quand même une possibilité de finir le jeu sans le finir à 100%. Il y a quand même certaines libertés dans le jeu parce qu'on peut débloquer les mondes ou agrandir les mondes qu'on a déjà débloqués. Ah, j'aime ça, agrandir les mondes, c'est cool. Sauf qu'encore une fois, c'est que c'est les mêmes défis qui se répètent monde après monde. C'est qu'on change la thématique du monde. Ouais. Par exemple, un monde un peu style Maya, puis ensuite un monde style dans la glace. Puis, mais ça reste les mêmes énigmes, sensiblement. Mm. Par contre, ce qu'on entend présentement, la bande originale... Oui, un des grands points positifs, je pense, de ce oui, jeu. Oui, en effet. Ben, c'est les mêmes compositeurs, en fait, que pour les jeux précédents. Donc, David Weiss, qui avait fait la musique de Donkey Kong Country, Grant Kirkhope, qui avait fait Banjo-Kazooie. Donc, se sont réunis pour offrir une bande sonore digne des années 90. Ah, vraiment, vraiment. Donc, un des points très, très forts du jeu. Sinon, sa jouabilité, l'apprentissage, comme je disais, qui s'apprend très bien. Sauf que les contrôles sont pas toujours super instinctifs. Faut rappeler que toi, t'as joué sur PC. PC. Avec une manette de Xbox. D'ailleurs, ils conseillent très fortement de jouer avec une manette de Xbox. Ça joue pas qu'un clavier, ça. Pas vraiment. Pas vraiment. en tout cas... Ça sinon, se fait, mais ça pour se fait, oui. Puis, il y a aussi la version PS4 et Xbox One. Et éventuellement, la version Switch va sortir. Ouais, je te demanderais bien si t'allais acheter la version Switch, mais tant qu'à avoir déjà fait le tour du c'est jeu ça. Sur PC, est-ce que je pense pas que ça je va être la peine? Je penserais pas. Outre les problèmes de contrôle, parfois, il y a certains problèmes de physique. Ah? Des fois, ils sont pas nécessairement instinctifs, encore une fois. Tu sais, tu peux voler, c'est quoi, planer? Oui, ou voler en avec fait, sensiblement les mêmes habiletés qu'on avait dans Banjo-Tooie, avec planer avec Lily, mais là, on planait avec Kazooie dans le temps. Ouais. Parfois, ça fonctionne plus ou moins bien. Aussi, encore une fois, un problème qui revient souvent dans les jeux de plateforme, la caméra. Ah, la maudite caméra. On est en 2017, là. 2017, problème de caméra et beaucoup de glitchs déjà dans le jeu. Mais ça peut être patché au moins. Ça peut être patché. Comparé à une cassette où était de même et de même. T'sais. Mais pour un jeu qu'on attendait, on pouvait s'attendre un peu plus. Et pour lequel les gens ont payé quand même sur Kickstarter plusieurs millions de dollars. Là. Oui. On s'entend. Faut dire que la journée même que le jeu a été lancé, il y avait déjà une patch pour essayer de régler un peu les problèmes de caméra, mais trop peu trop tard tant qu'à moi. Ah ouais, pas vrai? Bon. Tu enlèves des points pour ça, là? Tu les juges à cause de quelques glitchs? Tu vas pas plus profiter de tes glitches pour peut-être finir le jeu en plus rapidement comme ben, les speedrunners l'ont déjà fait assez rapidement, donc le jeu se termine en moins d'une heure. C'est pas beaucoup, une heure. Mais en tant que tel, combien d'heures t'as joué, tu penses, à ce jeu-là? J'ai joué environ 3-4 heures. Tu l'as pas fini encore? J'ai pas terminé, j'ai fait deux mondes environ. Là. Mais surtout que j'y ai joué en explorant un peu, puis en prenant mon temps, en jasant. En savourant les paysages aussi, c'est quand même un beau jeu. Là. Mais le site jeuxvideo.com, le site français, dit qu'il se fait quand même pratiquement 100% en environ 15 heures. Ouais. Pas énorme. Pas énorme. Non. Donc pas une très grande... Mais pour ceux qui collectionnent tout, là, vous allez en avoir pour des jours et des nuits. Ah ben ça, si tu veux toutes les plumes pour... ouais. Mais bon. IGN donc donne la note de 7 sur 10 sur le jeu. Jeuxvideo.com donne 14.8 sur PC, 14 sur console. Sur 20 quoi? Sur 20. C'est n'importe quoi, ok, sur 20. Divise-moi ça en deux, fais-moi une note sur 10, mais bon. Moi, je donne une note de 8 sur 10. 8 sur 10, raisonnable. Moi, je trouve que c'est 8 sur 10, c'est pas mal une bonne note. C'est une bonne note parce que ça reste un excellent jeu. Il y a quelques problèmes mineurs, dont les problèmes de caméra et un peu la redondance, mais il y a quand même des points forts, dont les aspects nostalgiques, l'humour aussi qui est encore au rendez-vous, même si parfois ça tombe un peu à plat. Je vous conseille de jouer la version anglaise, parce que certains, le jeuxvideo.com parlait de problèmes de traduction, certaines fois, quelques coquilles qui ont échappé. Les personnages, tu les aimes? Les personnages sont très attachants, surtout le duo de Yooka-Laylee. Ouais. Y a des personnages non-joueurs, dont Shovel Knight qui fait une apparition dans le jeu. Cool. Qui dit d'ailleurs, mes aventures m'ont mené ici, je sais pas ce que je fais ici. Non, c'est pas besoin d'expliquer, je sais pas ce que je fais là. Mais j'aimerais savoir peut-être une suite à ça, si, pour que l'histoire puisse continuer, parce que Banjo-Kazooie avait eu plusieurs suites. Oui. Ça avait un petit peu foiré vers la fin. Faut dire que les méchants aussi sont assez attachants. Ben, il y a le méchant Capital B qui est en fait une espèce de grosse coquerelle. Okay. Puis son acolyte, le docteur Quack, le scientifique fou. C'est littéralement une espèce de canard avec une tête de machine à gomme. Oh wow. Ah. Dans une machine à gomme en fait. Ah ouais. Ouais. Ah. C'est spécial. Ouais. Mais c'est attachant. Ouais, c'est ça, ça a l'air à ça. Puis c'est lui qui fait les quiz, parce qu'il y a effectivement le retour des quiz dans les boss, comme on avait dans Banjo. Huh. Ça m'intrigue tout ça, mais évidemment, je vais attendre que la Switch sorte avant de l'acheter. Hein. Mais je vous le dis, c'est un jeu à jouer quand même. À jouer. À louer? Hop. Pas à acheter? Acheter quand même. Okay. Je vous conseille de l'acheter. Juste c'est quand pour même... encourager même les créateurs. Oui, c'est un excellent jeu, je dois dire, mais il y a quelques problèmes qui font que je jouerais pas peut-être à multiples reprises. Ça deviendra pas un classique comme Mario 64, Donkey Kong 64, non, je crois comme pas. Ça. Ok, parfait. Eh bien, Yooka-Laylee, disponible maintenant. Ensuite, on voulait parler aussi ensemble de... en fait, c'est toi qui voulais parler de ça. Oui. De remake de jeux vidéo, les bons et les mauvais. On va commencer par le point positif, parce que ça passe plus vite. Ouais. Ok. Il y en a pas beaucoup, des bons remakes? Il y en a beaucoup. Ok. Surtout les remasterisations qui ont été faites. C'est difficilement manqué une remasterisation. Faut que tu te forces les manquer. Surtout non? Que c'est souvent sur des classiques. C'est ça. Donc, ça nous permet de rejouer les classiques. Ouais. Mais c'est pas toujours réussi. Mm-hmm. On va en parler plus tard, mais commençons par les bons côtés. Donc, Ocarina of Time, Majora's Mask, qui ont été faits dans les dernières années sur 3DS. Mm-hmm. Vraiment une amélioration de l'image sans enlever au jeu. Donc... très réussi de ce côté-là. Je trouve ça plate qu'ils aient sorti seulement sur 3DS et non pas sur une console de salon. Non. Non? Ben, j'avais joué aussi la Ocarina of Time Majora's Mask qui avait été aussi refait GameCube avec une légère amélioration de texture sur l'édition collector. Oui. Mais les contrôles, tout ça, était semblable. Il n'y avait pas vraiment de différence. La version 3DS s'est fait très bien parce que c'est aussi la map qui apparaît sur le deuxième écran. Oui, ça fait très bien. Autre bonne remasterisation, Metal Gear Solid qui avait fait un remake au GameCube avec The Twin Snakes. Encore une fois, une bonne amélioration visuelle, mais aussi ils ont ajouté une façon de jouer en first person. Tu pouvais viser avec ton arme en appuyant sur triangle ou sur Y dans le cas de la GameCube. Mm. Pour voir en first person, ce qui était assez difficile sur la version PlayStation, parce que tu voyais pas toujours où tu tirais. C'est assez pratique. Oui, ça doit. J'ai jamais joué à Metal Gear. Sinon, Final Fantasy XX2, qui a eu un remake qui avait la sortie originale sur PlayStation 2. Ça a sorti sur PlayStation 3 et PlayStation 4. Sur chaque console. Sur chaque console. Ouais. Mais la remasterisation est très bien. Ça, c'est surtout visuellement, mais c'est aussi, ils ont intégré la version PAL au jeu. Donc, il y a un peu plus de contenu dans la version PAL que dans la version nord-américaine. C'est la version européenne. Oui, exact. Sinon, autre bon remake, je vais passer aux mentions honorables avec Resident Evil, qui ont sorti le HD Remaster Edition. Mais il y avait le premier, le quatrième aussi, qui est sorti en remake. Sinon, Pokémon. Red Fire, Leaf Green, Soul Silver, Heart Gold, c'est dans des remakes de jeux pour les... Red Fire, Leaf Green, c'était Game Boy Advance. Soul Silver, c'était sur Game Boy Color. Et ils ont refait sur 3DS, c'est ça? Oui, en fait, sur DS. Ah, sur DS, ok. Puis, c'est très réussi. Ils ont ajouté des éléments aussi des autres générations au premier jeu, tout en bonifiant effectivement le visuel, mais sans enlever l'âme du jeu. Ok, oui, c'est ça. Et le visuel amélioré jusqu'à la DS, c'est-à-dire pas super beau, mais quand même. Ouais, quand même, faut y donner ça. C'est là. Ça. Et le dernier dans les positifs, je vais dire Halo. Oh! Halo, c'est une série que j'adore personnellement, qui avait sorti il y a quelques années le Anniversary pour le premier. Mm-hmm. Et ils ont sorti avec le Collector's Edition sur la Xbox One, à la sortie de la Xbox One, Halo 2 remasterisé. Et ce qui vient avec cette version-là, c'est que ça change absolument pas le jeu, c'est seulement visuel. Et t'as l'option de jouer quand même avec l'ancienne version et ça switch automatiquement. Avec le visuel de l'ancienne version, oui. J'aime vraiment ça. C'est vraiment cool. Il y a un jeu récemment, je me rappelle pas trop le titre, où t'avais une version remasterisée mais avec des dessins complètement différents et une trame sonore différente et tu fais switcher entre les deux. Je pense que c'est la meilleure façon de faire pour les fans, ça. Tu peux te permettre les deux. Ben, on a la place. Voilà. Pas besoin de t'en empêcher, mais là. Ensuite, dans la catégorie, on fait de l'argent avec une franchise populaire. Ouais. J'ai sorti en tête de liste le jeu Call of Duty. Oh! J'ai classé ça comme remake parce que depuis des années, c'est le même jeu qui ressort année après année. C'est pas littéralement le même jeu. C'est pas littéralement le même jeu. Mais on feel comme si c'était le même jeu. Je vais dire, je crois que les bons jeux ont arrêté du côté de Modern Warfare à Modern Warfare 2. Ça, c'est une sous-série. Une sous-série. Okay. Et du côté de Black Ops, à Black Ops 1, qui est maintenant rendu à 3. Okay. Parce que c'est simplement le même jeu, puis on n'essaie pas de changer de choses. Est-ce qu'ils ont changé d'époque quelque part là-dedans? Non, rien? Oui, maintenant c'est rendu Advanced Warfare. Ils sont dans l'espace. C'est n'importe quoi. Ben oui. C'est n'importe quoi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? L'espace. Elon Musk va triper. Ben oui. C'est ça. Mais on laissera le jeu à Elon Musk. C'est ça. Je vais retourner à mes jeux rétro. Sinon, on a parlé de Banjo tantôt. Mm-hmm. Banjo, Nuts and Bolts. Non, tu vois, quand on disait que la série s'était écroulée vers la fin. Là, et voilà. Ça ressemble à ça. Ça n'est plus un 3D platformer, c'est quasiment rendu un jeu de course. Il y a des fans pour ce jeu-là, mais c'est juste tellement différent des autres. Et oui, et c'est mauvais. Mauvais. À ton avis. À mon avis. Ben oui. Sinon, encore... sortie du Nintendo 64, il y avait la série Conker Bad Fur Day. Mm-hmm. Conker Live and Reload au Xbox, qui est sensiblement le même jeu, avec des améliorations graphiques, mais surtout beaucoup de censure et de coupes inutiles. De censure? De censure. Sur un jeu qui n'était pas censuré au 64? Voilà. Et on perd l'ambiance, on perd le fun du jeu. Ouais. Les graphiques sont améliorés, mais à peine pour la machine qui était le Xbox. Puis vraiment, ça ne vaut pas la peine de jouer au Nintendo 64. Gaspillage. Et le pire, selon moi, Sonic the Hedgehog. Ah. Sorti en 2006. Ça va pas bien, cette affaire, le Sonic, là, depuis quelques temps. Là. Oh là là. Ils ont repris en plus le même nom que la fameuse sortie au Genesis, Sonic the Hedgehog, mm-hmm. pour un jeu qui est devenu une espèce de RPG pas clair avec... un mélange, tu vois la pochette, tu te dis « Mon Dieu, c'est Sonic qui court vite, on va faire des tableaux. » Non, c'est pas ça. Tu es Sonic, mais tu incarnes aussi tous ses amis. Ouais. Et tu essaies de sauver une princesse pas trop claire non plus. Et il y a eu des accusations un peu de bestialité avec ce jeu-là. Wow. De bestialité. Parce qu'à la fin, on voit que Sonic est sans connaissance et la princesse embrasse Sonic. Et on a dit que ça encourageait la bestialité. Ben oui, c'est sûr. Ben, c'est raisonnable. C'est raisonnable. C'est raisonnable. Ce jeu va être classé 18 ans et plus. Sûr. Mais une solution simple pour ça, n'y jouez pas. Ben voilà. Voilà. Les prochains Sonic qui sortent, je sais qu'il y en a comme une gang qui sortent en même temps. Il y en a un qui ont sorti une vidéo récemment là, qui était vraiment belle. Oui. Du tableau là, classique. Là, c'est quoi? C'est Green Hill. Green Hill, oui. C'était beau. Est-ce que t'es tanné de voir ce tableau-là? Écoute, non. Non? Oh, OK. J'aurais pensé que oui. Je vais rejouer à Sonic, puis je vais avoir du plaisir, ouais. Je crois, avec ce jeu-là. Ouais. J'ai hâte de voir. C'est vraiment très beau. Pour vrai, aller voir les vidéos, là. Vraiment joli. Je vous conseille. Ouais. Finalement, une dernière catégorie. Pas mauvais, mais jouer aux vieux. Oh, OK. C'est une twist. C'est une twist. C'est le fun qu'il ait refait, mais garder l'original. Oui. Dans ce cas-là, je parle des NHL, entre autres. Ils ont fait des... Mais à chaque année, il y a le NHL qui sort avec EA Sports. Ouais. Mais il y a des vieux bijoux. OK, à la place de jouer à NHL 2K17, peu importe, tu vas vouloir jouer à 94. Genre. Jouer à NHL Hits 2003. Hits 2003. Oui. C'est comme semi-rétro, pas tant. Semi-rétro, disons. J'ai joué surtout à la version GameCube. Je me suis reprocuré récemment, d'ailleurs. Et c'est une formule complètement différente. C'est du 3 contre 3. Tu peux jouer... Ça mise pas du tout sur le graphique. Tu peux jouer avec des têtes de lézards, de souris. Tu peux personnifier tes personnages. Mm-hmm. Puis, il y a pas de règles. C'est du plaquage. OK. C'est vraiment drôle. Tu peux gagner ton équipement, des commandites. C'est vraiment drôle. Je vous le conseille. Et sinon, il y avait aussi NHL 2002 dans lequel tu pouvais gagner des cartes qui donnaient des pouvoirs spéciaux dans tes parties. Wow. Est-ce que c'est ton époque préférée de jeux vidéo de le début des années 2000? Je crois que oui. On dirait, hein? Oui. Pas trop rétro. C'est un petit peu rétro. Je crois que j'aime quand même les choses de Nintendo, les Mega Man et tout ça, mais début 2000, j'ai vraiment trippé. Ouais. On a chacun une période préférée, tu sais. Moi, Super Nintendo, Game Boy Advance, t'sais. Moi, c'est pas mal ça, tu sais. C'est genre, ça a l'air d'être pas mal PlayStation 1. Dans ce coin-là, ouais. Nintendo 64 aussi. Ouais. Mais tiens, parlons de Super Nintendo, ouais. Mario All-Star. Oh oui, ça j'aime ça. Je l'ai acheté tellement de fois ce jeu-là. Ben ce jeu-là, cette collection-là. Mais justement, parce que t'as les versions de Nintendo, le premier Mario Bros, le deuxième Mario Bros, il y a des petites différences visuelles. Ouais, qui valent la peine, je trouve. Quand qui même. Valent moi, la peine. C'est mes versions définitives, je pense, de ces jeux-là. Mais on peut quand même jouer à la version Nintendo. Oui. C'est simplement c'est vrai. Par contre, tu peux l'avoir. Moi, je suis Mario World, là, je l'ai acheté au Super Nintendo, je l'ai acheté au Game Boy Advance, sur les consoles virtuelles. Mario All-Star, je l'ai acheté en version pour la Wii, qui est la même maudite affaire qu'à Super Nintendo. Fait que, tu sais, on stand pas. On stand jamais. Sinon, dans les choix, j'avais GoldenEye 007, parce qu'ils ont fait un remake du fameux jeu GoldenEye avec Daniel Craig cette fois. Il y a des points positifs. Il y a Daniel Craig dedans, mais on voit pas sa face. Genre, on joue comme la première personne. Non, mais quand il y a l'animation au début, quand tu as ton personnage. Ouais, c'est important, ça. Il y a des améliorations, notamment sur la campagne en solo. Mm-hmm. C'est sûr, le graphique, c'est un peu moins difficile aussi de viser et tout ça. Mais on jouait pas pour ça quand on jouait à GoldenEye. Mm-hmm. On jouait pour avoir du fun en multiplayer. Et ça a été un peu un raté dans cette version. Sinon, deux derniers choix, Mario 64, mais ODS. C'est un de ceux que j'ai vraiment pas aimé comme remake. J'aime le fait qu'ils ont ajouté plein de trucs dedans, mais j'aime vraiment pas la façon de contrôler Mario, ça marche pas en tout. Ben, exactement. Ouais. Il y a quand même des choses intéressantes dans ce jeu-là, mais jouer à l'original. C'est déplaisant, le remake, pour vrai. C'était un des premiers jeux qui ont sorti sur la DS, puis ça m'a fait dire, ouais, la DS, pas si cool que ça. Puis ils sont améliorés par après. Dernier point, Pokémon encore une fois, mais Omega Ruby, Alpha Saphir, ils ont introduit des bonnes idées avec les méga évolutions, un autre aspect de visuel et de cinématique, mais jouer encore la version originale sur Game Boy Advance avec la troisième génération, même si c'est loin d'être ma préférée, la troisième génération, jouer là sur Game Boy Advance. Ouais, t'as bien raison. Ah. Voilà, c'est tout, hein, je pense. C'est tout. C'est la fin de ta liste. Une liste, quand même, peut-être pas exhaustive, mais remplie de variétés, de différents styles de jeux. On voit que tu as des connaissances larges en jeux vidéo. J'aime ça. Et on va te retrouver dans deux semaines pour une autre chronique. Oui. Est-ce que tu as une petite idée de ce qui s'en vient? Pas encore. Pas encore. Voilà. On t'écoute à Matière Noire les mardis soirs pour encore quelques temps. Jusqu'à ce que la saison des aigles commence. Ensuite, ça va être les dimanches soirs. Dimanche soir à 19h, si je me rappelle bien, il me semble. Faudrait confirmer. Va te le confirmer, moi. Tu m'as ça, aller sur le sifou.ca. Non, en fait, pas à jour. Pas à jour le site. Encore, on va faire ça tantôt. Bref, merci Fred. Et merci à toi, Mathieu. Matière Noire. Et puis nous, aux deux semaines au Mathieu Plante Show pour la chronique d'un autre gamer, un autre gamer, un autre. On écoute un petit peu de la trame sonore de Ukulele et on se retrouve au retour avec Television. Sifou 89.1. Pour plus d'informations, visitez sifou.ca. Dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum d c'était Triforce Films. Il y a un extrait de son montage de 16 minutes de pièces en acapella de chansons de jeux vidéo. On a commencé avec Pac-Man 1980, ensuite, Pac-Man en 1980, oui. Ensuite, Super Mario Brothers en 1985, Legend of Zelda en 86, Dragon Warrior en 86, Tetris en 89, Ninja Turtles en 89, Sonic the Hedgehog en 91, Doom en 93 est en train de jouer en ce moment. Et puis, ben là, ça continue pendant. Il y a 21 pièces dans ce montage au complet, donc vous pouvez retrouver ça sur YouTube en cherchant The Evolution of Video Games Acapella Edition si ça vous intéresse. Mais on a entendu ça jusqu'à Sonic the Hedgehog, donc je pense que c'était un bon petit extrait qu'on vient d'entendre. Voilà. Maintenant, toujours à MPS, le Mathieu Plante Show, c'est le moment de faire Television. Television. Television, la chronique dans laquelle on parle de nouvelles télévisuelles depuis les 7 derniers jours. On commence au Québec et tout ce qui se passe au Québec est un petit peu people. Peut-être en avez-vous entendu parler, mais finalement, l'émission du dimanche de Radio-Canada cet été va s'appeler Le Beau Dimanche. Hein? Avec Jean-Philippe Vautier et Rebecca McConnell. Donc, on apprenait en décembre dernier que ces deux-là seraient à la barre du nouveau talk show estival de Radio-Canada. On se rappelle que dans la formule la plus récente, c'était Jean-Luc Mongrain et Marie-Soleil Michon qui animaient déjà Dimanche, un peu le même concept. Donc, on a appris le nouveau titre, Le Beau Dimanche. Ça va être présenté à compter du 21 mai à 21h. Ils vont recevoir les invités qui ont fait l'actualité culturelle, sociale, politique, sportive ou sociale de la semaine. Il y a une petite vidéo promotionnelle sur assemblagerequis.com. Ensuite, on va à Canal Vie avec En Famille, qui sera la première fiction offerte à Canal Vie. Cet automne, Canal Vie donc qui va diffuser sa toute première fiction adaptée de la série française du même nom, la comédie à sketch En Famille pourra compter sur le talent de Guy Nadon, Marie-Soleil Dion, Brigitte Lafleur, Chantal Barry, Manny Soleimanlou, Marie-Ève Beauregard et Alex Godbout. Composé de 13 épisodes de 30 minutes, la nouveauté réalisée par Martin Talbot, qu'on connaît pour Les Parents, s'intéressera à une famille presque comme les autres. Entre conflits et moments de tendresse, grands-parents, parents et adolescents tenteront de s'affirmer. Les auteurs Sylvie Bouchard et Jean Pelletier, qui ont respectivement collaboré au texte des comédies à succès Un gars, une fille et Les Parents, assureront l'adaptation québécoise créée par Alain Capoff et Florence Levard. La comédie En Famille sera produite par Zone 3 et la date de la première n'a pas encore été donnée. On va aux États-Unis déjà avec Bill O'Reilly qui est de retour avec une nouvelle émission sur le web, un podcast. En fait, c'est pas une nouvelle émission. L'article a beau dire que c'est nouveau, c'est pas une nouvelle émission. Donc Bill O'Reilly qui est de retour et il a des choses à dire. Le site personnel de l'ex-animateur de Fox News indique qu'un nouvel épisode de son émission en balado-diffusion est disponible donc à chaque jour de la semaine depuis lundi il y a 2 semaines. La société mère de la chaîne de Fox News a congédié, on rappelle, Bill O'Reilly à la suite d'une enquête sur des allégations de harcèlement sexuel faites par différentes femmes. L'animateur affirme que ces allégations sont non fondées, évidemment. Pendant 2 décennies, Bill O'Reilly et son émission The O'Reilly Factor ont largement contribué au succès de Fox News. Plusieurs se demandaient maintenant quel serait l'avenir de l'animateur. Eh bien, l'épisode numéro 1 qui était disponible lundi, c'était le 24 avril, oui, voilà, à partir de 19h. Un autre populaire animateur de Fox News fait présentement aussi à des allégations de harcèlement sexuel de la part d'une ancienne collaboratrice de la chaîne. On parle de Sean Hannity. Il y a aussi M. Shine qui est au sommet de Fox News qui a perdu son emploi récemment. Bon, ça va pas très bien du côté de Fox News. Ensuite, chez HBO aux États-Unis, on travaille sur Mommy, Dead and Dearest, une émission spéciale sur le meurtre d'une mère qui avait le syndrome de Munchausen par procuration. Le documentaire qui a été réalisé et produit par Aaron Lee Carr explore la vie de Dee Dee Blanchard, qui a été tuée en 2015. Sa fille, en fauteuil roulant avait été impliquée dans le meurtre, mais elle avait été victime des abus de sa mère par MSBP, ce dont on vient de parler par procuration, depuis la petite enfance. Le documentaire qui sera diffusé le 15 mai dévoile le meurtre et explore comment Blanchard a soumis sa fille à des décennies de traitements médicaux inutiles. Il sera également disponible sur HBO On Demand, HBO Now, HBO Go et sur les portails d'affiliation. Le syndrome de Munchausen par procuration est une dénomination utilisée pour décrire une forme grave de maltraitance, souvent des sévices à enfants, au cours de laquelle un adulte qui a la responsabilité médicale d'un tiers, souvent un enfant, fin, exagère ou provoque à son égard de manière délibérée des problèmes de santé sérieux et répétés avant de le conduire auprès d'un médecin ou d'un service de soins médicaux. Le but est d'attirer l'attention et la compassion à travers la maladie de l'enfant, s'agissant d'une forme de pathomimie par procuration. Ensuite, on parle de The Last Ship parce que Eric Dane est en dépression et la production a dû être mise en pause. TNT a fermé la production de The Last Ship, le dernier navire, alors que l'acteur vedette Eric Dane essaie de traiter une dépression, selon The Hollywood Reporter. Le réseau a confirmé que la série serait en pause de production la semaine du Memorial Day avant le début de la quatrième saison de l'émission cet été. TNT a renouvelé la série pour une quatrième saison en juillet et des semaines plus tard ont commandé une cinquième saison à l'émission, ce qui sécurise la diffusion du drame jusqu'en 2018, à chaque saison qui va présenter 10 épisodes. Après avoir passé plusieurs mois en Arctique pour une mission top secrète, l'équipage de la USS Nathan James, un destroyer de la marine, la Navy américaine, découvre avec horreur qu'une épidémie a décimé une majeure partie de la population terrestre. La Chine et l'Europe sont en guerre, tandis que le gouvernement américain n'est plus protégé par les océans. Le commandant et les 200 hommes sont sous ses ordres et font partie des derniers survivants de la planète. Une scientifique présente à bord doit absolument trouver un vaccin avant l'extinction totale de l'espèce. The Last Ship est basé sur un roman du même nom de William Brinkley. Toujours aux États-Unis, ESPN doit se réinventer en perdant des millions d'abonnés. On doit payer sans cesse plus cher les droits de retransmission. Rien ne va plus au royaume de ESPN, un peu comme chez Fox News. Le géant américain du sport à la télé qui doit se réinventer au plus vite, nous dit l'agence France Presse. À Bristol, la petite ville du Connecticut où ESPN a élu domicile depuis ses débuts sur le réseau câblé américain en 1979, l'atmosphère a changé. Pendant 30 ans, le premier acteur au monde à s'être approprié le concept de chaîne uniquement consacrée au sport n'a cessé de grossir pour devenir un ogre avec 6 chaînes différentes et 100 millions d'abonnés. Mais depuis 2011, le vent a tourné et le groupe filiale de Disney depuis 1996 a annoncé une nouvelle vague de licenciements. Environ 100 personnes, selon plusieurs médias américains, ont perdu leur emploi, dont quelques visages connus des téléspectateurs, après la suppression de 300 postes en 2015 et 400 en 2013. En cause d'abord, la baisse continue du nombre d'abonnés qui atteint 9 millions depuis 2011, même si le groupe en revendique encore 90 millions. À 9,17$ par abonné et par mois, selon les chiffres du cabinet SNL Kagan, cela représente un manque à gagner de près d'un milliard de dollars. Durant des décennies, les Américains se sont abonnés au câble sans même y réfléchir, payant par défaut pour des centaines de chaînes dont ils ne regardaient qu'une petite partie. Mais les alternatives existent désormais, avec l'arrivée à maturité de streaming et autres trucs comme ça. Donc ESPN va encore perdre 3 millions d'abonnés par année durant les 5 prochaines années, avant que le rythme ne s'accélère encore. Parallèlement, le tarif des droits de retransmission a explosé, augmentant de 54% en Amérique du Nord entre 2010 et 2014, selon une étude publiée en octobre 2015 par le cabinet PricewaterhouseCoopers, qui les voyait plus que doubler entre 2010 et 2017. En 2011, ESPN s'est engagé pour 10 ans et 15,2 milliards de dollars pour les droits de la seule ligue professionnelle de football américain, NFL. Cette saison a démarré le nouveau contrat le liant à la ligue professionnelle de basketball NBA, évalué à 12,6 milliards de dollars sur 9 ans. Conscient que les habitudes de consommation de la télé sont en train d'évoluer, selon les termes de son président John Skipper, ESPN ne se contente pas de tailler ses coûts pour négocier cette passe difficile. Il a négocié des accords avec la plupart des bouquets de télévision en ligne qui se lancent depuis quelques mois aux États-Unis comme Sling, Hulu, YouTube TV, DirecTV Now, PlayStation View et autres, et dont le modèle consiste à offrir moins de chaînes pour un prix sensiblement inférieur au câble traditionnel. En août 2016, Disney, la maison mère, avait pris une participation minoritaire de 33% dans BAMTech, filiale de la ligue professionnelle de baseball MLB, devenue un acteur majeur dans le flux vidéo en ligne. Avec l'appui technologique de BAMTech, ESPN s'apprête à lancer une offre entièrement en ligne plus tard cette année, a indiqué le directeur général de Disney, Bob Iger. Mais malgré ces initiatives, le mieux qu'ESPN et Disney puissent espérer à ce stade, c'est de ralentir la baisse, estime-t-on, chez le cabinet Jackdaw Research. On souligne que le revenu moyen par abonné tiré de l'ensemble de ces canaux de diffusion devrait en outre diminuer. Parallèlement, le coût des droits de retransmission reste très élevé et les marges vont donc continuer à fondre, ce qui explique que ESPN joue sur le levier des effectifs, l'un de ceux que le groupe maîtrise encore. Plusieurs analystes, de même que le patron du groupe Liberty Media, John Malone, entrevoit ou milite pour une cession d'ESPN par Disney. Reste la question de l'acquéreur, aucun nom ne paraissant évident. Voilà. Ensuite, on va à l'international où une fusion de groupes de presse néo-zélandais a été rejetée pour la démocratie. L'autorité néo-zélandaise de la concurrence a formellement rejeté le projet de fusion de des deux premiers groupes de presse et de médias néo-zélandais, y voyant une menace pour la démocratie. Les groupes NZME et Fairfax Media New Zealand avaient signé en septembre un accord de fusion qui devait leur permettre de se renforcer face à Google ou Facebook. Fairfax Media NZ, filiale locale du groupe australien Fairfax Media, publie en Nouvelle-Zélande des titres comme, on parle de journaux The Dominion Post, de Wellington ou The Press, un quotidien de Christchurch. Elle gère également le plus populaire des sites néo-zélandais d'information, stuff.co.nz. NZME est également propriétaire du New Zealand Herald, qui a le deuxième site le plus consulté et de plusieurs radios. Mais l'entité issue de la fusion aurait contrôlé près de 90% de la presse écrite néo-zélandaise et touché une audience cumulée de 3,7 millions de personnes, soit plus de 80% de la population, a estimé la commission néo-zélandaise du commerce, qui avait déjà émis en novembre un avis préliminaire défavorable, oui. Le directeur général de Fairfax Media, Greg Highwood, a estimé que la NZCC avait manqué à ses devoirs vis-à-vis de la Nouvelle-Zélande en empêchant deux entreprises locales de se battre sur leur propre sol contre les géants de l'Internet. On a aussi averti que le groupe qui a déjà supprimé des postes allait devoir rechercher encore plus d'efficacité en termes de coûts. Dans son rapport préliminaire, la NZCC avait relevé en novembre que la fusion déboucherait sur le niveau de concentration de la presse le plus élevé au monde après la Chine. La fusion créerait une organisation multimédia qui pourrait avoir une seule ligne éditoriale et qui serait de loin le premier producteur d'informations au niveau national, régional et local. Les deux groupes sont actuellement concurrents, notait la NZCC, ce qui permet d'éviter que des informations d'intérêt public ne soient enterrées et favorise aussi l'expression de points de vue divers. La fusion proposée ferait disparaître le contrôle que les deux groupes exercent l'un sur l'autre, estimait la commission. Le soustrage réalisé par des fans a été jugé illégal aux Pays-Bas. Avec un peu de chance, peut-être que vous parlez plusieurs langues, anglais, français, peut-être espagnol, hein, bon. Il faut des fois passer, si vous êtes du type à écouter des émissions en d'autres langues, par le doublage ou sur le sous-titrage. Pour le sous-titrage, il y a souvent des fans qui œuvrent une pratique qu'on appelle le fan-sub, qui est jugé maintenant illégal aux Pays-Bas, nous dit Uber Gizmo. Un groupe néerlandais baptisé Free Subtitles Foundation a récemment attaqué en justice le groupe anti-piratage Brain, B-R-E-I-N. Celui-ci ouvrait depuis quelque temps à faire supprimer des sous-titres, autres traductions réalisées par des fans. Pour la cour néerlandaise, tout du moins, il semblerait que le fan-sub réalisé sans la permission des ayants droit soit assimilé à une violation de copyright, une décision qui pourrait tout à fait faire jurisprudence pour d'autres affaires similaires à venir dans d'autres pays du monde. Si vous aimez traduire du contenu, on en parlait la semaine passée, je crois, que Netflix avait lancé Hermès pour traduire vous-même vos propres séries. Donc allez voir sur les notes de l'émission de la semaine passée sur assemblagerequis.com. Maintenant, on va sur Netflix qui s'apprête à percer le marché chinois. Netflix a conclu un accord avec une filiale du groupe Internet chinois Baidu. Ils ont annoncé que ça pourrait permettre aux services américains de vidéos en ligne de percer enfin en Chine un énorme marché potentiel. IQIY.com a indiqué dans un communiqué avoir signé un accord de licence avec Netflix dont les contenus sont actuellement officiellement bloqués en Chine, même s'ils sont largement disponibles avec le piratage. Donc des séries pourront ainsi potentiellement devenir disponibles pour les abonnés chinois en même temps qu'aux États-Unis. Netflix avait déjà conclu des accords pour distribuer certains programmes sur des plateformes chinoises, mais avait jusque-là échoué à s'établir durablement en Chine, le plus gros marché sur lequel elle était encore absent. Même si aucun détail financier n'a été dévoilé, la nouvelle a déjà été saluée par les investisseurs. L'action Netflix avait bondi de 5,8% à mardi à Wall Street, portée par les informations de presse sur un accord avec iQIYI.com. On estime que ce partenariat permettra de lutter contre le piratage, puisque les clients chinois auront désormais accès au contenu de Netflix légalement et en haute définition. Le groupe américain qui revendiquait fin mars 98,75 millions d'utilisateurs dans le monde, dont 50,85 aux États-Unis. Netflix a réussi pour la première fois au premier trimestre à dégager un petit bénéfice à l'international où il a redoublé d'efforts l'an dernier. Orange is the New Black a été piraté. Un collectif de pirates nommé The Dark Overlord menace de propager sa collection de 36 autres films et téléséries si leur ayant droit ne paie pas la rançon demandée. Sommes-nous sur le point de connaître une nouvelle ère de téléchargement illégal de productions cinématographiques et télévisuelles sans précédent, nous demande Branchez-vous. C'est ce que laisse présager les activités d'un nouveau groupe, The Dark Overlord, qui a partagé l'intégralité de la 5e saison de Orange is the New Black, dont la publication par Netflix n'est prévue que pour le 9 juin prochain. Comment ce groupe est-il arrivé à mettre la main sur ce matériel inusité? Selon les informations transmises au blog Torrent Freak par TDO, son équipe est parvenue à s'introduire dans les serveurs de Larson Studios, une entreprise spécialisée dans le doublage située à Hollywood. Les pirates ont profité de leur passage pour subtiliser le matériel sur lequel travaillait l'entreprise, dont la fameuse cinquième saison. Ils ont ensuite communiqué avec Larson Studios afin d'entamer des négociations dans le but d'extorquer de l'argent à l'entreprise en prenant soin de fournir une preuve de ce qu'ils avaient subtilisé. Les documents transmis à Larson Studios indiquent que l'entreprise devait respecter certaines conditions pour bénéficier des bonnes grâces et du silence de TVO, dont le transfert de 50 bitcoins, ce qui veut dire un peu moins de 100 000 $ canadiens. L'entreprise a lu, signé puis retransmis le document qui s'apparente à un véritable contrat d'échange de services, mais n'a pas réussi à transmettre la rançon en respectant l'échéance du 31 décembre imposée par TDO. Suite à ce refus de coopérer de la part de Larson Studios, TDO s'est retourné vers Netflix pour lui demander le versement d'une rançon dont le montant n'a pas été dévoilé. Je cite, « Armé de cette information, nous avons approché Netflix et d'autres ayants droit pour tenter de concevoir un arrangement mutuellement bénéfique selon lequel nous sommes payés et Netflix et ses amis ne se réveillent pas un beau matin pour retrouver tout leur travail acharné sur Internet. » Pour démontrer le sérieux de sa démarche, le groupe a d'abord partagé le premier épisode de la nouvelle saison, avant de poursuivre avec le partage de la cinquième saison dans son entier, après ce qui semble avoir été une fin de non-recevoir, oui, par Netflix. On apprend ensuite que The Dark Overlord procéderait d'autres titres, d'autres films et téléséries qu'il décrit comme étant d'une excellente qualité, malgré quelques imperfections. On peut retrouver quelques petites erreurs audio et vidéo, comme l'absence de correction de couleur, mais la majorité du matériel est complet. Le collectif a fourni la liste de 36 autres productions au blog Data Breaches. Si cette présumée vidéothèque peut paraître impressionnante, il est important de souligner qu'un peu moins de la moitié de ces contenus ont déjà pris l'affiche ou été télédiffusés intégralement. Allez voir la liste complète sur assemblagerequis.com. Netflix dit être au fait de la situation. Un fournisseur de production utilisé par plusieurs grands studios de télévision a vu sa sécurité être compromise et les autorités compétentes responsables de l'application de la loi ont été informées. Reste à voir maintenant si ce jeu de chat et de la souris sera bénéfique pour les studios concernés. Toujours chez Netflix, c'est Gina Rodriguez qui va prêter sa voix au personnage de Carmen Sandiego dans la nouvelle série animée sur Netflix. Dans la prochaine série animée produite par Houghton Mifflin Harcourt, Carmen Sandiego est de retour et prête pour une nouvelle série prête pour une nouvelle série de cambriolage international pleine d'aventures et d'intrigues. Cette nouvelle prise présente un regard intime dans le passé de Carmen où les téléspectateurs suivront non seulement ses escapades mais aussi apprendre qui dans le monde est Carmen Sandiego et pourquoi elle est devenue une super voleuse. Carmen Sandiego, qui est un personnage fictif décliné sur plusieurs supports ludo-éducatifs et désigne aussi la série du même nom, est une cambrioleuse hors pair, spécialiste du vol d'œuvres d'art et autres trésors archéologiques. Surnommée la femme en rouge, maîtresse du crime ou encore la duchesse de la ruse, elle est considérée comme la plus grande voleuse du monde. Constamment traquée par les agents de l'Acme, elle leur échappe encore et toujours. Plus rusée que la plupart des grands agents secrets, elle vole des grandes pièces d'art, oui. Certaines sources sous-entendent que celle-ci serait possiblement pharmacienne à Sainte-Thérèse, dans la populaire province de Québec au Canada, nous dit-on. C'est quoi ça? Est-ce que c'était un supposé gag du site? Je sais pas. Gina Rodriguez, qui joue dans Jane the Virgin, va faire la voix de Carmen Sandiego, alors que Finn Wolfhard, qu'on connaît pour Stranger Things, va jouer Player, le complice et ami de Carmen. Dwayne Capizzi, qu'on connaît pour The Batman, agira comme coproducteur délégué et showrunner. CJ Cattler de The Tick est producteur délégué. L'entité visuelle de la série sera prise en charge par Kevin Dart de Mr. Peabody and Sherman et Chromosphere. Les animations seront créées par DHX Media, une compagnie canadienne. La série animée est produite par Houghton Mifflin Harcourt pour Netflix et débutera en 2019. Évidemment, tout le monde en parle de 13 Reasons Why, 13 raisons en français. Netflix qui va ajouter plus d'avertissements à sa série. Le service vidéo en ligne Netflix a réagi aux critiques sur sa controversée série 13 Reasons Why en ajoutant plus d'avertissements à l'endroit des internautes sur la présence de contenu controversé. Le drame de 13 épisodes, coproduit par la chanteuse et actrice Selena Gomez, est inspiré d'un roman pour adolescents écrit par Jay Asher, qui raconte l'histoire d'une élève qui s'enlève la vie et qui laisse derrière elle 13 cassettes audio expliquant les événements ayant mené à sa mort. La série est classée TV MA, mature, donc 17 ans et plus, ce qui signifie que les téléspectateurs sont avertis du contenu explicite. Des experts spécialisés en santé mentale réclamaient plus d'avertissements dans les médias. Netflix a donc annoncé qu'il va y avoir plus d'avertissements avant le premier épisode. Le service dit aussi avoir renforcé le message et les communications sur les ressources existantes pour les personnes ayant besoin d'aide dans les épisodes qui abordent des sujets délicats. C'est bien, tant mieux. Voilà. Et on va terminer avec un article qui nous parle de pourquoi est-ce que les personnages de dessins animés sont jaunes. C'est la question que s'est posée la chaîne YouTube Channel Federator, spécialisée dans les dessins animés et cartoons en tout genre. Donc on voit beaucoup de personnages animés jaunes, que ce soit Titi, Bob l'éponge, les Simpsons, Winnie l'ourson, Pikachu, les Minions. La réponse est évidemment multiple car de nombreux facteurs jouent en ce qui concerne les choix de colorisation. Entre optimisation de l'écran RGB, choix stratégique et inspiration artistique, la réponse oscille. Sachant qu'on peut prendre en considération la signification psychologique de la couleur jaune. En ce qui concerne les Minions et Winnie l'ourson, ils sont inspirés de jouets réels. Les œufs Kinder pour les premiers, donc l'emballage jaune du jouet, et les Teddy Bears pour le second. Les créateurs des Simpsons, quant à eux, ont choisi le jaune pour se démarquer. En effet, quand on zappe rapidement, l'œil est plus facilement attiré par des personnages entièrement jaunes plutôt qu'une couleur de peau plus réaliste. Et ce, d'autant plus que le jaune est la couleur la mieux perçue par l'œil humain. Le jaune est également une couleur qui envoie un message particulier aux spectateurs. Psychologiquement, chaque couleur a une signification et chacune d'entre elles sera utilisée différemment selon les objectifs. Les communicants et les graphistes le savent bien. En psychologie, le jaune est une couleur dynamique qui appelle quelque chose de positif. On parle d'un jaune franc comme celui des personnages de dessins animés, pas d'un jaune moutarde ou un jaune plus brun. C'est une couleur qui va faire passer des messages de bonne humeur, de compassion, de gaieté et de joie, d'optimisme, des valeurs que la plupart de ces personnages essaient de faire passer. Donc c'est pas un hasard aussi pourquoi Pikachu est jaune, et les choix des couleurs qu'on fait en général témoignent d'un message souvent inconscient qu'on adresse au monde. Ce n'est qu'une des facettes du langage non-verbal. Voilà un article de Gizmodo à la base. C'est tout pour Television. Avant de passer à Merci Science, on va s'écouter un petit peu de Legend of Zelda Majora's Mask. On en parlait tantôt avec notre ami Frédéric Simon, quelqu'un qui joue cette chanson-là à la guitare, Clock Town Theme, pourquoi pas. Donc écoutons-le. Son nom est Tom Winter, voilà. Donc on écoute avec Clock Town Theme de Majora's Mask tout de suite. MPS, le Mathieu Plante Show sur C'est Fou. We'll be right back. remix de Zelda. On va entendre Song of Storms remix, précédé d'un gars à la guitare. Oui, Tom Winter avec Clock Town Theme au Mathieu Plante Show. Maintenant, c'est le bloc Merci Science. Merci Science, la chronique qui remercie la science d'exister, bien sûr. Commençons avec quelque chose qui me fascine pas mal, c'est le syndrome de la tête qui explose, un trouble méconnu. Syndrome au nom effrayant, peu connu et pourtant courant, il consiste à se réveiller en sursaut dans la nuit en ayant entendu un bruit fort comme un objet tombant brutalement par terre ou parfois en ayant vu un éclair de lumière. Épeurant quand même, ce trouble du sommeil se manifeste lorsqu'une personne s'endort ou se réveille qu'elle entend un bruit fort. Et dans une étude parue dans Cephalalgia, Brian Sharpless de l'université Argosy en Virginie a voulu savoir plus à ce sujet, en savoir plus. Comme le rapporte Life Science, il avait déjà trouvé dans des travaux précédents que 13,5% des gens en faisaient l'expérience au moins une fois dans leur vie. Dans cette étude, 49 étudiants touchés par ce syndrome ont raconté leurs symptômes. Les expériences des patients étaient diverses, certains n'avaient connu qu'un seul épisode, tandis qu'une personne en aurait connu 150. Mais il y avait des points communs, par exemple, le bruit le plus souvent entendu était celui d'un objet qu'on laisserait tomber de haut. Ce pouvait être aussi une détonation, un bruit d'explosion ou de porte qui claque. Les patients ressentaient aussi souvent des symptômes comme de la peur, une tachycardie et des secousses musculaires, tachycardie étant l'accélération anormale des pulsations cardiaques. Un quart d'entre eux voyait un éclair de lumière. Seulement 10% en auraient parlé à un médecin. Les épisodes avaient plutôt lieu lors d'une transition oui, veille-sommeil et en dormant sur le dos. Les scientifiques ne savent pas quelle est la cause de ce phénomène. L'une des hypothèses les plus couramment envisagées est qu'il est lié à une partie du cerveau appelée formation réticulée qui aide l'individu à s'endormir. La formation réticulée jouerait aussi un rôle dans un autre phénomène curieux qui est la paralysie du sommeil, au cours de laquelle l'individu se réveille en étant incapable de bouger. Pour Brian Sharpless, s'endormir, c'est comme arrêter un ordinateur. Le cerveau passe par plusieurs étapes, dont l'une nécessite d'éteindre les neurones qui servent à entendre. Un patient souffrant du syndrome de la tête qui explose, au lieu d'éteindre ses cellules, les mettrait en marche, ce qui fait qu'il entendrait un bruit puissant. Je le souhaite pas à personne! Ensuite, une injection de sang du cordon ombilical humain améliore la mémoire des souris. Des souris âgées apprennent mieux si on leur injecte du sang de cordon ombilical humain. Une protéine a été isolée dans ce cordon et s'appelle TIMP2. TIMP2, et les chercheurs imaginent déjà développer de nouvelles applications pour lutter contre le vieillissement. En vieillissant, on sait que notre mémoire s'altère. Ce déclin qui reste tout à fait normal peut prendre de graves proportions dans certaines pathologies comme la maladie d'Alzheimer. Dans le cerveau, l'hippocampe, une région importante pour la mémoire et les apprentissages, est particulièrement sensible aux effets du vieillissement. Mais peut-on lutter contre ce vieillissement du cerveau? Dans un article paru dans Nature, des chercheurs de Stanford expliquent comment ils ont revitalisé l'hippocampe d'une souris, de souris âgée, oui, grâce à du sang de cordon ombilical humain. Tout d'abord, ils ont injecté à ces rongeurs du sang de cordon ombilical de jeunes adultes ou de personnes âgées. Les injections avaient lieu tous les 4 jours pendant 2 semaines dans la circulation. Les souris utilisées avaient des systèmes immunitaires défectueux, afin qu'elles ne rejettent pas ce tissu humain. Ensuite, les chercheurs ont observé ce qui se passait dans l'hippocampe des sujets âgés. Ils se sont aperçus que l'augmentation de l'expression de gènes liés à la mémoire était la plus importante chez les animaux qui avaient... Pardon. était plus important chez les animaux qui avaient reçu le sang de cordon ombilical. Ces souris présentaient la meilleure plasticité synaptique, c'est-à-dire une meilleure capacité à modifier des connexions entre neurones et donc à apprendre. Après les injections de sang, les animaux devaient passer des tests cognitifs, par exemple dans les labyrinthes. Par rapport à des souris témoins, celles qui avaient eu le sang de cordon réussissaient mieux les tests qui mesuraient leur mémoire et leur capacité d'apprentissage. L'équipe a recherché quelles étaient les protéines abondantes dans le cordon ombilical humain qui diminuait avec l'âge. Ils ont ainsi identifié la protéine TIMP2 pour métallopeptidase inhibiteur 2, connue pour jouer un rôle dans la progression des cancers. Les chercheurs l'ont injectée aux souris et celles-ci ont obtenu à peu près les mêmes résultats aux tests de mémoire que celles qui avaient eu du sang de cordon ombilical. Inversement, du sang de cordon ombilical dépourvu de TIMP2 ne faisait rien aux souris âgées et si la protéine était bloquée chez les souris, ceci avait un impact négatif sur leur mémoire. TIMP2 augmentait aussi leur plasticité synaptique. Tout ceci suggère qu'elle favorise la mémoire. Les chercheurs ont déposé un brevet afin de l'utiliser pour traiter des problèmes liés à l'âge. Une société, Alcahest, pourrait développer ce traitement. Et cette entreprise a déjà fait parler d'elle récemment car elle a terminé en janvier un essai clinique qui a testé l'utilisation de sang de jeunes pour traiter 18 patients atteints de maladie d'Alzheimer. Les résultats de cette expérience devraient être présentés à l'automne. Des cliniques proposent déjà des injections de sang de jeunes pour inverser le processus de vieillissement, comme le rappelle un article paru dans Science Mag. Vous pouvez voir ça sur assemblagerequis.com. Toujours chez les souris, des chercheurs rendent les os d'une souris transparents. Les scientifiques ont trouvé un moyen de rendre les os de souris quasiment invisibles. Cette innovation technique inapplicable aux organismes vivants ouvre la possibilité de mieux étudier certaines maladies touchant le squelette humain. L'os est impliqué dans des processus physiologiques importants comme l'hématopoïèse, qui est la formation de cellules sanguines, et la croissance. Notre squelette est constitué de cellules vivantes enchâssées dans une matrice extracellulaire minéralisée. Ces cellules construisent et remodèlent l'os, mais jusqu'à présent, observer ce qui se passe à l'intérieur de l'os n'était pas évident. Dans un article paru dans Science and Translational Medicine, une équipe de l'Institut Caltech à Pasadena décrit la technique qu'elle a mise au point sur des os de souris pour les rendre transparents. Cette nouvelle méthode est basée sur une technique développée en 2013 et appelée Clarity pour Clear Lipid Exchange Acrylamide Hybridized Rigid Imaging Immunostaining In Situ Hybridization Compatible Tissue Hydrogel. Évidemment, Clarity. À l'origine, Clarity a été imaginée pour voir à l'intérieur de tissus mous comme le cerveau, mais avec quelques étapes supplémentaires, l'équipe l'a adaptée aux os. La technique consiste à retirer les minéraux sans détruire les cellules. Elle utilise des produits chimiques qui font partir les graisses et les résidus de sang qui pourraient gêner l'observation des cellules. Pour tester l'efficacité de ces traitements, les chercheurs ont voulu visualiser des cellules fluorescentes dans le tibia, le fémur et la colonne vertébrale de souris transgéniques. Au bout de 28 jours, ils ont ainsi pu voir ces cellules fluorescentes. La technique développée n'est pas utilisable sur un organisme vivant. Elle devra ensuite être adaptée à des os humains. Les produits chimiques mettront probablement plus de temps à diffuser dans ces os plus longs qu'il faudra peut-être couper en petits morceaux. Cette innovation pourrait aider à tester des nouveaux médicaments ou suivre l'activité des cellules dans des os sains ou malades afin de mieux comprendre certaines maladies comme l'ostéoporose. Ensuite de ça, allons-y avec une larve qui dévore des plastiques les plus résistants. Une scientifique qui est aussi apicultrice a découvert que la larve d'un parasite qui s'attaque à la cire des ruches est friande des matières plastiques. C'est plutôt une bonne nouvelle pour la lutte contre les déchets en plastique qui pullulent avec une croissance exponentielle dans les sols et les océans. On apprenait donc par le CNRS une étude publiée dans Science Advances que l'océan Arctique est lui aussi touché par les déchets de plastique. Il y en aurait plusieurs centaines de tonnes, voire plus, éparpillés en 300 milliards de petits fragments, pour la plupart de la taille d'un grain de riz. Dans le monde, chaque année, selon une étude de 2015, ce sont 8 millions de tonnes de polymères qui arrivent dans les océans. Ces déchets réduits en petits morceaux pullulent et nuisent considérablement aux écosystèmes marins. Ainsi, ce serait quelques 110 millions de tonnes qui s'accumuleraient à présent dans ce milieu. Parmi les plus répandus, le polyéthylène, avec 80 millions de tonnes produites dans le monde chaque année, très utilisé pour les emballages et le plus résistant, représentant 40% de la demande des produits en matière plastique en Europe, et il lui faut pas moins d'un siècle pour se dégrader dans la nature, 400 ans pour les plus durs. Cependant, des produits très corrosifs comme l'acide nitrique en viennent à bout en quelques mois. Mais il y aurait encore mieux. Galeria melonella, plus connue sous le nom de larve de la fausse teigne de la cire, elle a de bonnes chances de devenir l'ennemi numéro 1 du polyéthylène. La larve de ce papillon est plutôt très répandue. Elle est souvent employée comme appât dans la pêche et on la rencontre dans les ruches où elle se délecte, oui, de la cire. Federica Bertocchini, du Centre espagnol de la recherche nationale, le CSIC, et apicultrice amateur, avait remarqué à plusieurs reprises que les sacs en plastique dans lesquels elle mettait de la cire ravagée par ce parasite se retrouvaient rapidement criblés de trous. La scientifique a alors tenté l'expérience en laboratoire avec différentes matières plastiques et à chaque fois, les larves les réduisaient en peau de chagrin en un temps record. Par exemple, sur un plastique venant d'un supermarché britannique, elle a pu constater avec son équipe qu'une centaine de larves l'avaient dégradé significativement en moins d'une heure. En 12 heures, il avait perdu 92 mg. C'est une énorme performance. En 2016, une bactérie réussissait au mieux à réduire certains plastiques de 0,13 mg en 24 heures. Dans leur article publié le 24 avril dans la revue Current Biology, les chercheurs estiment que la larve ne fait pas que les ingérer, elle les transforme déjà chimiquement dans leur salive. Cette découverte représente effectivement un grand espoir pour faire disparaître en quantité ces déchets répandus sur Terre et dans les océans. Ensuite, l'intelligence artificielle est capable de prévoir les crises cardiaques. Chaque année, 20 millions de personnes dans le monde meurent d'une pathologie cardiovasculaire. Une équipe de chercheurs de l'Université britannique de Nottingham a mis au point un algorithme capable de déterminer avec davantage de précision qu'un médecin, vos risques de crise cardiaque. Les chercheurs estiment que déployés à grande échelle, leur système permettrait de sauver des milliers de vies. Âge, pression artérielle, poids, cholestérol. En compilant 8 variables différentes, votre cardiologue peut vous donner une idée assez précise de l'état de santé de votre cœur et donc de votre risque d'un jour faire une crise cardiaque. Cela ne suffisait visiblement pas à l'équipe du Dr Stephen Wang et son équipe de l'Université de Nottingham qui assure pouvoir vous livrer un diagnostic encore plus précis de l'état de vos artères. Pour parvenir à ce résultat, ils ont fait tourner 4 ordinateurs hébergeant un algorithme qu'ils ont nourri de données provenant de 378 000 patients et plus britanniques. Les 295 000 premiers dossiers de santé ont, dans un premier temps, permis à l'intelligence artificielle d'élaborer un modèle prédictif. Enrichi de cette masse colossale d'informations, l'intelligence artificielle a ensuite testé son modèle sur les 83 000 dossiers restants. Les résultats de l'algorithme se sont avérés bien plus précis que ceux fournis par les méthodes traditionnelles de détection des risques d'accidents cardiovasculaires. En se basant sur les résultats tirés de l'analyse des dossiers de 83 000 patients passés au crible de l'intelligence artificielle, le Dr Stephen Wang affirme que son modèle aurait permis de sauver 355 vies. La machine a par exemple identifié le rôle de certains facteurs sous-estimés par les médecins comme les troubles mentaux sévères ou la consommation de corticoïdes par voie orale. Pris isolément, difficile de voir quel rôle il joue potentiellement dans l'apparition d'une crise cardiaque, mais la machine s'avère très performante pour mettre au jour les interactions, les effets cocktails à l'œuvre dans notre système biologique. Toujours dans les attaques cardiaques, des patchs imprimés en 3D pour aider les patients à se remettre d'une attaque cardiaque. Une attaque cardiaque est toujours effrayante, mais quelles que soient les conséquences de la première, les choses ne sont jamais plus vraiment les mêmes après. Dans le futur, cependant, soigner le cœur après une telle attaque pourrait être aussi simple qu'appliquer un patch imprimé en 3D. Les chercheurs de l'Université du Minnesota ont créé un patch grâce à l'impression 3D qui contient des cellules souches issues d'un cœur humain adulte. Cette matrice de cellules s'est montrée capable de répliquer parfaitement les structures du tissu cardiaque jusqu'à 1 micron et sait même battre de manière synchronisée avec le cœur. Les premiers tests ont été réalisés sur des souris et il faudra maintenant réussir la chose sur un cœur humain. Mais sur les cobayes souris, le cœur a montré une augmentation significative de ses capacités fonctionnelles en seulement 4 semaines, ce qui est très prometteur. On dit que c'est une avancée importante vers le traitement de la cause numéro 1 de mort aux États-Unis. Ils sont convaincus qu'ils réussiront à adapter la technique pour réparer les cœurs des plus gros animaux et qui sait peut-être celui de l'homme dans les prochaines années. Voilà, c'est tout pour le bloc. Merci Science, on s'en garde pour la semaine prochaine, étant donné qu'il reste encore un petit peu de temps pour le bloc Geek CNX. Écoutons une pièce qui s'appelle Arcade Attack. C'est par Joshua Morris, maître du jazz. Donc, son plus récent, enfin, je dis même pas son plus récent, son album qui date de 2015 quand même, met en vedette des remixes de plusieurs pièces de jeux vidéo préférées des fans. Cette fois-ci, donc, on écoute une pièce de Mario Kart, pourquoi pas. C'est par Joshua Marsh, tout de suite au Mathieu Plante Show. Joshua Morris et Arcade Attack Mario Kart au Mathieu Plante Show. Maintenant, c'est le segment Geek Science. On parle de choses cool, nouvelles et extrêmement intéressantes dans CNX et on commence avec Amazon qui invente le vêtement zéro stock. Le numéro 1 mondial de la vente en ligne vient de déposer un brevet pour fabriquer des vêtements à la commande avec des imprimantes 3D, donc fini les stocks et les invendus. Hein? Qui arrêtera Jeff Bezos, se demande Clubic.com. Après le livre, l'alimentaire, les produits frais, le patron d'Amazon nourrit de grandes ambitions dans le domaine du textile. Donc le géant américain du commerce en ligne a obtenu le brevetage pour un système automatisé de production à la demande de vêtements et de tout produit textile permettant de ne lancer le processus de fabrication qu'une fois la commande du client validée. Un peu comme les DVD qui sont disponibles sur commande. La machine opère des imprimantes capables de tisser n'importe quel textile avant de les couper et de les assembler selon les mensurations commandées par le client. Le processus est contrôlé par des caméras intelligentes capable de déceler les possibles défauts de fabrication. Hein? Ce système de production à la demande est le fruit de recherches de deux anciens de Mixi Labs, une start-up spécialisée dans l'impression 3D débauchée par Amazon. La machine est généraliste, capable de traiter toutes sortes de matériaux souples, textiles, mais aussi cuir, plastique, caoutchouc, papier. Les déclinaisons sont potentiellement infinies, permettant d'envisager des applications dans le domaine vestimentaire, mais aussi pour des chaussures ou encore de la literie. À noter qu'Amazon est déjà engagé sur le marché des textiles avec une gamme de 8 marques allant des serviettes, ça c'est Pins On, et aux chemises masculines Button Down, en passant par les chaussures Zappos. Amazon projette dans le textile une croissance de 30% en 2017 à près de 30 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Et grâce à la technologie 3D, Amazon va pouvoir baisser encore davantage ses coûts de production, histoire de réduire un peu plus la concurrence des acteurs traditionnels du textile qui ont du souci à se faire. Toujours chez Amazon qui évalue, oui, votre garde-robe. Vous vous demandez si quelque chose vous fait bien, c'est le genre de question auquel le nouveau Echo Look d'Amazon peut répondre. Un appareil photo connecté lancé aux États-Unis pour environ 275$ US. L'Echo Look est donc un petit appareil sur pied qui ressemble à une ancienne caméra web, une webcam au format un petit peu plus allongé. Celle-ci est dotée d'un appareil photo, d'un capteur de profondeur, de 4 ampoules DEL pour bien illuminer les clichés, d'un microphone et d'un haut-parleur. Il est possible de prendre une photo avec l'Echo Look et de le regarder ensuite sur son téléphone intelligent. Le capteur de profondeur crée un faux effet de flou derrière le sujet, ce qui devrait donner une allure professionnelle aux images, dit Amazon. Les photos peuvent être prises avec une commande vocale et donc pas nécessaire d'avoir un téléphone dans ses mains. Ces photos peuvent être publiées ou encore conservées pour soi dans un carnet de mode qui se crée automatiquement et qui permet de savoir quand on a porté quoi. Notons qu'il est aussi possible de créer des vidéos pour se voir en mouvement par la suite. Parmi les modes les plus avancés de l'appareil, on note la fonctionnalité d'intelligence artificielle Style Check qui compare deux habits et informe l'utilisateur sur lequel le met le mieux en valeur et sur lequel est le plus à la mode. Cette fonctionnalité sera probablement celle qui fera le plus parler d'elle, oui, mais son efficacité reste encore à démontrer. L'Echo Look est aussi une façon d'interagir avec l'assistant vocal Alexa d'Amazon, qui est seulement en anglais pour l'instant. On peut donc demander à l'Echo Look quelles sont les nouvelles du jour, à quelle heure est son prochain rendez-vous et combien de temps il faudra prévoir pour se rendre au travail. Alexa est aussi intégrée à de plus en plus de services tiers variés. Évidemment, c'est la grosse affaire, Alexa. Un article qui commence à dater, mais je voulais en parler quand même un petit peu. Le smartphone qui transforme la main humaine. D'après l'étude britannique, 5% de la population aurait un pouce plus gros que l'autre à cause de l'usage du smartphone. Les jeunes sont les plus touchés par cette transformation du corps plutôt rapide. Donc, il s'il a fallu des millions d'années pour évoluer vers le corps qu'on a aujourd'hui, une décennie aura suffi pour transformer les doigts de la main à cause de l'usage intensif du smartphone. C'est ce que suggère un rapport réalisé par l'entreprise de téléphonie O2 au Royaume-Uni, le O2 Mobile Life Report, qui a enquêté près de 2000 personnes. Ce rapport fait partie d'une campagne de la société qui cherche à mieux comprendre les relations entre les consommateurs et leurs smartphones. La population passerait en moyenne 2 heures par jour à utiliser son téléphone. Conséquence, des évolutions sont apparues sur les doigts de la main. Le pouce qui travaille le plus peut devenir jusqu'à 15% plus gros. Une personne sur 8, 13% des 18-34 ans, aurait développé cette difformité en tapotant sur son téléphone, un appareil dont la taille a sensiblement augmenté ces dernières années. 8% des Britanniques auraient aussi développé un creux, une courbe au niveau des petits doigts auriculaires à cause de la façon dont ils tiennent leur téléphone. En tout, un tiers des utilisateurs de smartphones pensent que leur corps a évolué à cause de leur utilisation du téléphone portable et 37% de la population pensent que le corps va continuer à s'adapter aux outils de téléphonie. Wow! Plus de détails, oui, sur la thérapie de la main sur assemblagerequis.com dans l'article qui nous provenait de Futura Science. Maintenant, l'application de Samsung pour smartphone pour communiquer avec ceux qui ne peuvent plus parler. Les personnes aphasiques ne peuvent plus parler ou écrire. Pour leur faciliter la vie, Samsung Italie a eu l'idée de leur proposer un outil de communication passant par des images. Pour aider les 3 millions de personnes qui souffrent d'aphasie, un trouble neuronal entraînant la perte de la capacité de parler ou comprendre un message parlé ou écrit, Samsung a élaboré une appli qui leur permet de communiquer en utilisant des emojis, qui s'appelle donc Wemoji. Créée par la filiale italienne du fabricant sud-coréen, des orthophonistes et des médecins, cette appli remplace les phrases par des combinaisons d'emojis car les aphasiques peuvent identifier les images. Elle fonctionne donc un peu comme un dictionnaire emoji-texte. La personne aphasique clique sur des images qui, combinées, forment une phrase que son interlocuteur verra s'afficher sous sa forme classique avec des mots et inversement, comme le montre une petite vidéo de démonstration sur assemblagerequis.com. Wemoji inclut une base de 140 phrases élaborées en partenariat avec les spécialistes et transformées en emoji pour permettre aux personnes aphasiques de communiquer avec le reste de la population. Elles ont été réparties en 6 catégories comme la vie de tous les jours, les sentiments ou encore manger et boire pour faciliter la navigation. Résultat, l'appli peut aussi bien servir pour discuter en face à face ou comme une messagerie classique. Même si Wemoji a été conçu pour communiquer avec les aphasiques, elle pourrait très bien évidemment servir pour les autres. Pourquoi pas des gens qui parlent pas la même langue. Donc les emojis qui sont un langage universel dont les premiers exemplaires ont même fait leur entrée au Museum of Modern Art à New York en novembre dernier. L'appli est déjà disponible sur Android, en anglais et en italien et une version sur iOS qui s'en vient prochainement. Donc Wemoji, W-M-E-G-E-E. Ensuite, des chercheurs utilisent les objets collectés pour détecter quand une dispute va éclater. On en parlait en introduction d'émission. Les gens se disputent, c'est un fait. Certains très souvent, d'autres moins. Mais la dispute est une constante et pas uniquement au sein d'un couple. Et si vous pouviez prédire quand une dispute allait éclater? Des chercheurs ont travaillé sur la question grâce à des objets connectés. Les scientifiques de l'Université de Californie du Sud utilisent des gadgets électroniques à portée de soi, comme les smartwatches, les montres intelligentes, pour établir leurs prédictions en analysant les données biologiques comme la température du corps, l'activité cardiaque et la sueur. Les participants à cette étude devaient aussi noter leurs sentiments envers leurs partenaires toutes les heures pour évaluer le contenu et l'intensité des discussions. Toutes ces données sont ensuite envoyées dans un algorithme de machine learning, lequel est capable d'identifier les moments de conflit avec un taux de réussite de 86%. D'après les chercheurs, la prochaine étape sera de créer un modèle qui pourrait prédire les conflits jusqu'à 5 minutes avant qu'ils n'arrivent. Le co-auteur de l'étude déclare, je cite, « Les biosignaux que nous capturons via nos gadgets électroniques à portée sont une source d'information que les gens ne peuvent pas avoir à l'œil nu. » Ne peuvent pas voir à l'œil nu, oui. C'est une information très utile. Fin de la citation, et ça pourrait à terme pousser les constructeurs à ne plus s'intéresser qu'aux seules données de santé physique. La santé émotionnelle pourrait être le prochain palier. Voilà. C'est tout pour ce segment Geek CNX. On en fera d'autres, comme toujours, la semaine prochaine, parce que malheureusement, ça va être la fin de notre émission pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine, toujours les mercredis, en direct de 15h à 17h. On rappelle les jeudis à midi et les mardis à 10h. Et pour l'été, on rajoute une autre rediffusion les samedis à 9h du matin. Ça fait 4 diffusions du Mathieu Plante Show. Je vous retrouve aussi à Assemblage Requis dans une nouvelle case horaire pour l'été à partir du 4 mai. Ce sera les jeudis de 14h à 17h. Consultez la programmation complète sur cif.ca. Retrouvez les notes de l'émission, les balados diffusion sur assemblagerequis.com. De la part de Frédéric Simon et de toute l'équipe fictive du Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante, c'était Mathieu Plante. Vous avez été planté. Audiomatique suit pour les auditeurs. Maintenant, le corps de nos auditeurs. Ce sera à partir de quelques instants, à 17h. On se quitte avec une pièce de Myka, M-Y-K-H. C'est un hommage à la musique de Panzer Dragoon sur la Sega Saturn. On écoute The Premonition of War et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye!